24 cas confirmés de coronavirus au Maroc. C'est le dernier bilan du ministère de la Santé. 12 nouvelles rémissions pour un total de 229 personnes guéries. Le nombre de morts est de 127. Lancement d'une plateforme d'appui psychologique aux fonctionnaires et détenus des établissements pénitentiaires. Elle opère deux fois par jour et comporte conseils et recommandations de psychologues et experts. Nous en parlerons plus en détail avec un responsable au sein de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. À l'international, en pleine pandémie, le président américain ferme le robinet à l'OMS. Il l'accuse de mauvaise gestion du coronavirus. Et puis le Covid-19 qui poursuit sa marche macabre. Plus de 2 millions de personnes sont contaminées dans le monde. L'Europe se prépare graduellement au déconfinement, le Danemark ouvrant la voie. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On commence avec le point sur la situation épidémiologique de notre pays et ce dernier décompte du ministère de la Santé arrêté ce mercredi à 18h. 136 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au Maroc ces dernières 24 heures. Le bilan total des cas confirmés de coronavirus passe donc à 2024. Avec 12 rémissions supplémentaires, 229 personnes sont déclarées guéries du Covid-19, 127 en sont mortes. Selon Mohamed Lioubi, directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, la hausse des cas de contamination est notamment due au suivi médical des personnes contacts. Lioubi parle également de foyers d'infection au niveau d'unités industrielles et commerciales. On l'écoute. هاد 136 حالة ديال هاد 24 ساعة 114 منها تم اكتشافها في محيط حالات أخرى وبالخصوص واحد البؤرة أو بؤر كانت بعض الوحدات التجارية وصناعية وفي الوسط العائلي ديال بعض الحالات حيث أنه وما دمنا في إطار الحديث عن المخالطين والبؤر فإنه تم إلى حد الآن تتبع 12192 مخالط 5338 منهم لا زالوا إلى الآن تحت المراقبة الصحية ومجموع 979 حالة مؤكدة من بين 2024 حالة المؤكدة إلى حد الآن تم اكتشافها عن طريق هذا التتبع الصحي للمخالطين. Heure passée de 7 minutes sur Chaîne Inter et la suite donc de ce journal. Juste avant l'appel à la prière, on écoutait Mohamed Lioubi, directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé, nous apporter des précisions par rapport au bilan journalier des cas de contamination au coronavirus au Maroc. Je vous rappelle donc que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 2024 cas confirmés de coronavirus au Maroc avec 12 nouvelles rémissions pour un total de 229 personnes guéries, alors que le nombre de personnes qui ont succombé suite au Covid-19 est de 127. L'attente commence à se faire longue pour les 18 226 Marocains bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières internationales. Leur situation a été abordée aujourd'hui à la Chambre des représentants. Nzal Wafi, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, a précisé que son département veille à travers missions diplomatiques et consulats à accompagner les Marocains concernés et à prendre en charge les frais d'hébergement et de soins pour certains d'entre eux. À en croire la ministre, toujours des mesures sont également prises auprès des autorités des pays en question afin de prolonger la durée de validité du séjour de ces Marocains bloqués, de maintenir ouverts les hôtels qui les accueillent ou bien pour réserver des hôtels spécialement pour les héberger. Jusqu'à présent, 2743 ressortissants marocains ont été pris en charge sur les 18 226 bloqués à l'étranger. Vider son sac avant qu'il ne devienne trop lourd pour avancer en cette période particulièrement éprouvante. Nombreuses sont les initiatives pour venir en aide psychologiquement aux personnes en première ligne contre le coronavirus. La dernière en date concerne cette plateforme électronique pour un accompagnement psychologique à distance. Elle va profiter aux fonctionnaires et aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. Elle est opérationnelle deux fois par jour. Pendant une heure, experts et psychologues donnent conseils et recommandations pour surmonter certains des effets psychologiques associés à la situation actuelle. Tris Agoulmam est directeur de l'action socio-culturelle et de la réinsertion des détenus à la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Ses propos. Cette opération d'accompagnement de soutien psychologique est organisée non seulement aux fonctionnaires mais aussi aux détenus des établissements pénitentiaires et s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des mesures préventives élaborées par l'administration pénitentiaire pour éviter les risques éventuels de l'infection du virus Covid-19 dans les prisons. L'objectif de cette opération, c'est de permettre aux détenus d'atténuer un peu l'effet le retombée de ce confinement et qui est incarné par l'arrêt des visites familiales et la réduction des activités, notamment l'activité de formation, les activités d'enseignement et également les activités culturelles, sportives, à caractère collectif. Cette plateforme se tient tous les jours, donc il y a deux rendez-vous, l'un le matin et l'un le soir, où tout le monde se réunit pendant une heure pour discuter des cas qui sont évoqués et présentés par les psychologues des établissements pénitentiaires, bien sûr, tout en respectant le droit aux données personnelles détenues. Donc, c'est des codes. Chaque cas a un code qui est donné par ce psychologue-là pour respecter des données personnelles de chaque détenu. Voilà, on écoutait Idriss Agoulmam, directeur de l'action socio-culturelle et de la réinsertion des détenus à la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Avant de passer à l'actualité internationale, sachez que la Direction générale de la Sûreté nationale a décidé d'annuler toutes les festivités de célébration de l'anniversaire de la création de la Sûreté nationale, des festivités initialement prévues le 16 mai prochain, et ce en raison de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Maroc et le monde. Dans un communiqué, la DGSN rappelle que cette conjoncture impose le gel et l'interdiction de toute activité et rassemblement public. Elle requiert également la garantie d'une mobilisation totale et d'une disposition maximale des forces publiques afin de faire respecter l'état d'urgence sanitaire et lutter contre la propagation du coronavirus. Le nombre officiel de contaminations au Covid-19 dans le monde a franchi la barre des 2 millions, alors que les États-Unis enregistrent le pire bilan avec plus de 2200 morts en 24 heures. En Europe, où la pandémie ralentit légèrement, le Danemark est devenu le premier pays à rouvrir ses écoles. Près de la moitié des écoliers du petit royaume scandinave ont été invités à revenir en classe. Les salles ont été aménagées pour offrir une distance de 2 mètres entre les tables. En France, et afin de remercier le personnel soignant en première ligne contre le coronavirus, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le versement d'une prime de 1500 euros pour tous les personnels des services de santé. Les autres personnels de santé recevront une prime de 500 euros net de tout, c'est-à-dire exempte de charges et d'impôts. L'Italie, à l'arrêt depuis un mois, a autorisé des réouvertures localisées et très limitées de certains commerces. L'Espagne, le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis et l'Italie, a recensé ce mercredi 523 morts, un chiffre en baisse. Les autorités estiment que le pic de la pandémie a été franchi, mais mettent en garde la population contre tout risque de relâchement. Le Royaume-Uni ne voit pas encore le bout du tunnel. Le ministère de la Santé a dénombré ce mercredi 761 morts supplémentaires à l'hôpital britannique, un bilan en légère baisse par rapport à la veille.